Il y a certains philosophes qui imaginent que nous avons à tout moment la conscience intime de ce que nous appelons notre moi, que nous sentons son existence et sa continuité d'existence, et que nous sommes certains, plus que par l'évidence d'une démonstration, de son identité et de sa simplicité parfaite. Pour ma part, quand je pénètre le plus intimement dans ce que j'appelle moi, je bute toujours sur une perception particulière ou sur une autre, de chaud ou de froid, de lumière ou d'ombre, d'amour ou de haine, de douleur ou de plaisir. Je ne peux jamais me saisir, moi, en aucun moment, sans une perception, et je ne peux rien observer que la perception. Si toutes mes perceptions étaient supprimées par la mort, et que je ne puisse ni penser, ni sentir, ni voir, ni aimer, ni haïr après la dissolution de mon corps, je serais entièrement annihilé, et je ne conçois pas ce qu'il faudrait de plus pour faire de moi un parfait néant. Si quelqu'un pense, après une réflexion sérieuse et impartiale, qu'il a, de lui-même, une connaissance différente, il me faut l'avouer, je ne peux pas raisonner plus longtemps avec lui. Le verre à soie et Alice se regardèrent pendant quelques instants en silence. Finalement, le bon Bix retira de sa bouche le houka et, d'une voix traînante et léthargique, s'adressant à Alice, « Mais vous, qui êtes-vous ? » Ce n'était pas là un début de conversation bien encourageant. Alice répondit, non sans quelque embarras, « Je ne sais pas trop, monsieur, pour le moment présent. Du moins, je sais qui j'étais quand je me suis levée ce matin. Mais j'ai dû, je crois, me transformer plusieurs fois depuis lors. » « Qu'entendez-vous par là ? Expliquez-moi un peu quelle idée vous avez en tête. » « Je crains, monsieur, de ne pouvoir vous expliquer quelle idée j'ai en tête. Car voyez-vous, je ne suis pas certaine d'avoir encore toute ma tête. » « Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. » « J'ai peur de ne pouvoir vous expliquer cela plus clairement. » Car pour commencer, je ne le comprends pas moi-même. Et varier de taille à ce point en l'espace d'une seule journée, il y a là de quoi vous faire perdre la tête. Où allons donc ? Eh bien, peut-être ne vous en êtes-vous pas rendu compte jusqu'à présent, mais lorsqu'il faudra vous transformer en nymphe, et cela vous arrivera un jour, savez-vous, et ensuite en papillon, je pense que cela vous paraîtra plutôt bizarre, ne le croyez-vous pas ? Pas le moins du monde. Après tout, il est possible que vous voyez cela à votre façon. Tout ce que je sais, c'est que cela me paraîtrait tout à fait bizarre, à moi. À vous ? Mais vous, d'abord, qui êtes-vous ?